بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم في القول والعمل وأن يرزقنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن لا يجعل العلم حجة علينا بل لنا أما بعد. Donc procédons inchallah à la révision du cours du lundi dernier. Quel était le thème du cours précédent? Al-Qiyam. Al-Qiyam, qui est le fait de se tenir debout pendant la prière. Quel est le jugement du Qiyam dans la salah? Quel est son jugement dans la salah? Fard. Tamam. Naam, c'est un fard. Lakin, il y a un jugement qui est un peu plus pointu et détaillé. Pilier parmi les piliers. Naam. Allah, Allah. C'est un pilier parmi les piliers. Il y en a fard, il y en a le fait que tu as répondu fard, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fard. Tout pilier est un fard, une obligation. Mais toute obligation n'est pas forcément un pilier. Quels sont les arguments qui prouvent que Al-Qiyam, c'est un pilier parmi les piliers de la prière? Naam. Hadith. Imran ibn Hussein. Radiallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Salli qa'iman. Il lui a ordonné de prier debout. وكذلك في القرآن قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. Et tenez-vous debout par humilité devant Allah عز وجل. Et كذلك نعم il fait partie, le fait de rester debout fait partie d'une chose qui est entre le takbir et le taslim. Et toute chose se trouvant entre le takbir et le taslim fait partie intégrante de la prière. Donc à partir du moment qu'il fait un partie intégrante de la prière et qu'il est une obligation, il manque un autre argument, c'est-à-dire quelle est la preuve nous prouvant que celui qui ou la délaisse volontairement et sa prière sera annulée, parce que ceci est la deuxième condition du pilier. Vous vous rappelez de l'argument prouvant ou bien complétant la deuxième condition du pilier, vous m'avez ramené la première condition qui est c'est une obligation et qui fait partie intégrante de la prière. Il manque la deuxième condition afin d'accomplir le pilier. Si vous vous rappelez, on a ramené Al-Ijma', qui est une preuve parmi les preuves de l'islam. Dans lequel l'imam Ibn al-Bar, il nous dit, si elle est délaissée volontairement sans excuse, ceci annule la prière. Quel est le jugement, donc on a un peu répondu à la question, mais Inch'Allah on la repose. Quel est le jugement de la prière de celui qui a délaissé le qiyam volontairement sans excuse? Al-Bar, salat, invalide. Naham. Quelle est la preuve qui prouve cela? Si vous avez fait attention, on a répondu à la question juste avant. On a dit l'ijma', les ayats et les hadiths, parce qu'au fait, les ayats et les hadiths, ils nous prouvent que c'est une obligation. Laquelle on veut la preuve qui nous prouve que le fait de le délaisser, ça annule la prière. L'ijma'. Comme cela a été rapporté par l'imam Ibn al-Bar, le fait que tu délaisses cette chose-là, sans excuse valable, volontairement, ça annule la prière. Et comme on a pu le voir aussi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, ça implique l'interdiction de son opposé. L'interdiction de son opposé, si elle est violée, comme on avait pu voir, lorsque l'interdiction elle est violée, ça implique directement l'annulation de l'acte d'adoration. Donc ça aussi, c'est un argument à joindre avec Al-Ijma', qui est un dalil parmi les dalils de l'islam. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, nous dit que celui qui délaisse volontairement le qiyam avec la possibilité de pouvoir se tenir debout, sa prière est invalide. Quel est le jugement de la prière de celui qui s'appuie sur des bâtons ou autres dans sa prière, dans les prières qui sont prescrites, mais obligatoires? Quel est le jugement de la prière de cette personne? Invalide. À la kulli hal, comme on a dit, il y a un ikhtilaf, il y a une divergence entre les savants. Al-Sahih, c'est que sa prière, elle n'est pas invalide. Sa prière, elle n'est pas invalide. Là, on parle de la prière qui est obligatoire. Si jamais il fait ça volontairement, il est dans la suffisance, il peut se tenir debout, mais il prie sur une canne, comme l'a dit Oussama, c'est invalide. Maintenant, celui qui l'a fait, qui fait cela avec nécessité, il a pas la possibilité de se tenir debout, mais il fait ça en s'appuyant avec une canne ou bâton et autres. Prière valide. Comme on a dit, Et il n'y a pas de divergence sur le fait que s'il fait ça par volontairement, sa prière elle est annulée. Mais si jamais il fait ça, il s'appuie avec, il est dans la nécessité de s'appuyer sur une canne et autre pour pouvoir se tenir debout, on dit que sa prière elle est valide, mais il est là, qui c'est qui complète? Naam. Son acte est détestable. Pourquoi? Qui peut répondre? Car il n'a pas, naam, suivi les textes. Naam. Parce que le prophète sallam, l'ordonne à celui qui n'a pas la capacité de, celui qui n'a pas la capacité de se tenir debout, qu'il s'assoit. Il n'a pas dit qu'il s'appuie sur une canne. Donc on dit, ta conduite est détestable car elle est contraire au recommandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est contraire au recommandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on n'a aucun argument qui peut appuyer que cela annule la prière. On n'a aucun argument qui prouve cela. Dans quel cas est-il possible de délaisser ce pilier-là? Dans quel cas est-il possible de ne pas se tenir debout pendant la prière? Pour le malade. Al-Nafila, Naham, prière de la peur. C'est pour celui qui est incapable, le dalil c'est Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan. Si jamais tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tamam. النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته كما في حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه dans lequel il dit j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم prier sur sa monture, il bougeait pour cela, pour faire ركوع سجود sa tête, chose qu'il ne faisait pas dans le مكتوبة. Le hadith il est dans le fi sahih. Pour la prière en guerre, ou comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Et si vous avez une crainte de votre ennemi, vous avez la possibilité de prier à pied ou bien sur vos montures. Donc le fait que tu pries sur vos montures, ceci nous prouve que tu as la possibilité de délaisser ce pilier dans le cas où le qital est chadid. Celui qui est en temps de combat et qui ne redoute pas de son ennemi, même si jamais il est en état de guerre, il lui est obligé de se tenir debout pendant sa prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala a restreint cette exception par le fait de craindre. Fa'in khiftum, si vous craignez. Est-il possible de prier allongé si la personne a la capacité de s'asseoir? Ou bien sur le dos s'il a la capacité de prier sur les côtés? Est-il possible pour cette personne-là de faire ça? Non. Non. Quelle est la preuve? Non. Prie assis d'abord. Le hadith nous prouve que celui qui n'a pas la capacité de prier debout, il doit prier assis. Il doit prier assis. Donc il ne s'allonge pas. S'il a la capacité de prier assis, il ne s'allonge pas. Donc dans les cas, si jamais il a la capacité de prier sur les côtés, lui est-il possible de prier sur allongé? Non. Kadalika, celui qui prie allongé sur le dos, il n'a pas le droit de faire ça s'il a la capacité de prier sur les côtés. Sur quel côté est-il préférable de prier lorsque la personne n'a pas la capacité de s'asseoir? Le côté droit. Ce qui prouve cela, hadith Aïcha, anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kana yu'jibuhu at-tayammum fi umurihi kullihi, muttafaqun alayhi wa rawahu al-Bukhari. Dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime bien faire les choses, en commençant par le côté droit, ou bien sur les côtés droits, dans toutes les choses. Donc ceci nous prouve qu'il est préférable de faire cela. Et on avait rajouté aussi que sa tête doit être en face de la Qibla. Il ne met pas le doigt à la Qibla, s'il a la capacité, il met sa tête en face de la Qibla afin d'être orienté vers la Qibla. Quel est le jugement de la prière de celui qui n'a pas la capacité de bouger sa tête ou les autres parties de son corps? Ni la personne qui est handicapée, ni peut bouger sa tête, ni les autres parties de son corps. Elle lui est plus obligatoire. Non. Le dalil qui prouve cela, fait taqullah mastata'tum. Criez Allah comme vous le pouvez. Et celui-là, il ne peut plus. Et pourquoi certains des ulama, ils disent que tu peux prier tout en intentionnant les mouvements de la prière. Ou certains, ils ont dit, tu bats des yeux. Non. La prière qui est acceptée auprès d'Allah, la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée, elle est bien décrite, elle a une définition qui est bien claire. C'est-à-dire que c'est un ensemble de paroles et d'actes qui commence par le takbir et qui se finit par taslim. Donc il faut qu'il y ait des actes et des paroles. La personne là, elle est incapable de ramener ses actes. Donc on dit, on peut pas dire que ce qu'elle est en train de faire c'est une prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui fait une partie de la prière, une partie des choses qui fait partie de la prière qui est pas ramenée ici. Donc on ne peut pas appeler ce geste-là rien une prière pour qu'on dise Aslam, est-ce qu'elle est acceptée ou pas. On dit ces choses-là qu'on prend ça ne s'appelle pas la prière. Donc comment elle peut être acceptée ou comment on peut lui dire de prier une chose qui ne s'appelle pas la prière? Donc c'est impossible. C'est une contradiction. Et comme elle a dit le frère Osama, la yukallifullah, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullah nafsan illa wusaha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une personne au-dessus de ses capacités. Et la grosse mas'ala qu'on avait fini avec, c'était quel est le jugement de la prière de celui qui prie debout alors que son imam il est assis. Il y a eu un débat. il suit l'imam, c'est-à-dire il prie assis. Tamam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Yani celui qui est présidé, il a la capacité de se tenir debout. Pourquoi il s'assoit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit salli qa'iman, prie debout. Comment lui est-il possible de s'asseoir alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit prie debout? Qui peut répondre à cette ambiguïté? Et là, il y a un texte qui montre qu'il faut suivre l'imam. Donc, comment on fait pour expliquer les deux hadiths? Il y a un hadith qui dit salli qa'iman, il est compris pour l'imam s'il a la capacité ou pour la personne qui est prise tout seul, elle a la capacité de se tenir debout, elle se tient debout. Mais si elle est présidée, donc on fait précéder l'autre hadith qui nous dit de suivre l'imam. Kalalika, ils ont pris comme argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est interdit à toute personne de présider la prière en étant assis. Quel est l'état de ce hadith? Quelle est la véracité de ce hadith? C'est un hadith qui est maudou, un hadith qui est faible. C'est un hadith, c'est un kadib, à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En gros, là, vous êtes tous d'accord qu'il est possible à celui qui est présidé par un imam qui prie assis, que lui aussi, il prie assis, même s'il a la capacité, qu'il prie debout. Ça? Al-An, je vous pose une question. Donc, la question est, comment pouvons-nous juger que la prière de celui qui est présidé par quelqu'un qui est assis, comment on peut juger qu'il a droit de prier assis, alors que Abu Bakr, lorsque le prophète sallam était malade, c'est lui qui a présidé la prière, puis le prophète sallam est sorti, c'est lui qui a ensuite présidé la prière, le prophète sallam l'a prié assis, et Abu Bakr l'a prié debout. Donc si jamais ça aurait été impossible de prier, ou légiférer de prier assis comme imam, pourquoi Abu Bakr et Omar ne l'ont pas fait? Voilà un argument peut-être qui appuie l'avis de ceux qui disent que tu n'as pas le droit de prier assis. Non? Ou y a-t-il une réponse à cela? Que prier comme on a commencé. Ça c'est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, la cohérence entre les textes, comment tu comprends ceci, le texte de l'art, le texte qui nous dit de prier comme il prie l'imam, et le texte où Abu Bakr a prié debout, c'est que la personne, en fait les musulmans, ils ont prié, et ils ont commencé la prière avec un imam qui a prié debout, qui est Abu Bakr, radiallahu ta'ala. Ensuite c'est le prophète qui a pris les commandes. Il nous dit, si jamais tu pries dans ce cas-là, avec un imam, où tu as commencé la prière avec un imam qui a prié debout, ensuite la présidence de la prière a basculé vers quelqu'un qui l'a prié assis, tu dois la prier debout parce que tu l'as commencé debout, et vice versa. Si jamais tu pries la prière assis, ou tu commences la prière avec un imam qui a pris la prière assis, ensuite la présidence de la prière a basculé sur une personne qui prie debout, tu pries assis, car nous l'indique le hadith. Donc, Inch'Allah, on poursuit le cours de la semaine, ou de la semaine dernière, ou du vendredi dernier, sans commencer pour cela par la révision, car on l'a pris la dernière fois. Donc, Inch'Allah, on reprend directement d'où on s'est arrêté, c'est-à-dire As-salatu fi safina wa ta'ira. Car à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup de coupures, donc Inch'Allah, on reprend à partir de ce texte-là. As-salatu fi safina wa ta'ira. On a Allah subhanahu wa ta'ala. أن يسر لنا وسائل العلم ويجعل هذه الليلة المباركة تسهيلا لنا لإلقاء هذا الدرس إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى الصلاة في السفينة والطائرة يعني quel est le jugement de la prière dans les transports tels que les bateaux et les avions. قال رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة. Il nous dit, il est possible de prier dans les moyens de transport tels que les bateaux ainsi que les avions. Il est possible de prier dans ces moyens de transport-là. Car il n'y a rien qui prouve l'interdiction de cela. Il n'y a rien qui prouve l'interdiction de prier à bord de moyens de transport tels que le bateau ou la safina. Car comme on a pu le voir, la base et en écoute au jugement des lieux de prière, et en est, c'est l'autorisation. Al-Jawaz. Jusqu'à ce qu'une preuve nous prouve ou interdit cela. Comme on a pu le voir, dans les cours précédents. Et la preuve en est que, la base dans les lieux de prière, c'est qu'il est autorisé de prier dans tous les lieux de prière. À part si un dalil vient et nous prouve, il nous interdit cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit, جُعِلَ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. La terre et ses lieux ont été assujettis comme lieu de prière et de purification. Donc la base est que tout lieu de prière ou tout lieu est un endroit de prière, excepté si une preuve prouve le contraire. Et qui peut nous rappeler les lieux qu'on a pu voir dans lesquels il est interdit, où celui qui prie, sa prière sera annulée? On a vu 5 lieux de prière. Mais le cours précédent, qui c'est qui se rappelle de ces lieux-là dans lesquels la prière est annulée si tu pries dehors? Le hammam, les toilettes, les églises, les cimetières. On rappelait ce qu'on avait dit, les enclos de chambres. Donc ça fait ces 5 lieux de prière qu'on a pu voir. Donc la prière à bord des moyens de transport tels que les avions ou les bateaux ou autres est légiférée car, à condition, comme on a pu voir, à condition que la personne a craint de faire sortir la prière de son temps. Car Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, comme il nous l'a évoqué au début du livre, dans les lieux tels que les moyens de transport, tels que les voitures, les bateaux, les avions, il y a une condition qu'il a évoquée. C'est que si la personne a peur de faire sortir la prière de son temps, il lui est possible de prier à bord des moyens de transport tels que les bateaux et autres. Donc le fait qu'on prenne pour lieu de prière ces moyens de transport, ça va en contre de cette condition. Car les bateaux, ils voguent, ou bien l'avion, il n'est pas forcément directement à une direction de la Qibla. Mais si jamais tu as peur de faire sortir la prière de son temps, dans ces cas-là, tu as le droit. Mais si jamais tu penses que tu as la possibilité de prier la prière dans ces temps, qu'il ne t'est pas permis de prier la prière obligatoire dans ces lieux de transport, si jamais tu penses que tu as le moyen de pouvoir rattraper la prière dans ces temps, comme on a pu le voir. قال رحمه الله تعالى وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. Il nous dit, il est tout à fait possible aux musulmans de prier dans ces moyens de transport tels que le bateau et autres, assis si jamais il a peur de tomber. En effet, il y en a car dans ce cas-là, son jugement est tel à celui qui n'a pas la capacité de se tenir debout. Et comme on a pu le voir avec le hadith Imran ibn Hussein, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, salli qa'iman fa'il lam tastati' fa'ta'idan fa'il lam tastati' fa'ala jamb. Prie debout si tu n'as pas capacité, fais-le assis si tu n'as pas la capacité, tu le fais allongé à l'issue des côtés. Donc ce hadith-là nous prouve que la personne qui n'a pas la capacité de se tenir debout, c'est-à-dire que si l'homme vraiment il a un handicap bien total ou bien un handicap bien qui est partiel, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se tenir debout mais il a peur si jamais il se tient debout comme c'est le cas dans ces lieux de transport, de tomber par terre, donc son jugement est tel que celui qui n'a pas la capacité de se tenir debout. Donc il s'assoit dans ce cas-là et la prière, Inch'Allah, elle est acceptée. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. Il nous dit, il est possible à la personne qui est âgée ou qui est physiquement faible de s'appuyer sur des bâtons ou bien des cannes ou bien s'appuyer ou bien s'adosser à un pilier ou une colonne lorsqu'il est debout dans sa prière, lorsqu'il est debout dans la prière. Et comme on a pu le voir, ça casse à l'écart, c'est pas légiféré d'une manière générale. Celui qui fait ça pendant la prière sur l'oratoire, elle a tout à fait la capacité, car même sur son lame, il l'a déjà fait, ou casse à l'écart, sahaba, dans le calife ou le khilafa de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a ordonné Ubay ibn Ka'b de prier salat al-Tarawih. La salat al-Tarawih était tellement longue que les Sahaba qui étaient présidés par Ubay ibn Ka'b, ils s'étaient appuyés sur des bâtons et des cannes. Donc ceci nous prouve qu'il est légiféré de faire ça dans la prière qui est surérogatoire, que tu aies la capacité de te tenir debout ou que tu n'aies pas la capacité totale de te tenir debout. Quant aux prières obligatoires, comme on a pu le voir, il n'est pas légiféré de faire cela. Il n'est pas légiféré de faire cela, car le Messie sallam, il a orienté la personne qui n'a pas la capacité de se tenir debout, de s'asseoir. Kama sabaqa fil hadith, alladhi rawahu al-Bukhari an Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Tamam. Donc, ce texte-là n'est pas d'une manière générale. Il y a 12 an ya'tamida fi qiyamihi ala 'amudin. C'est pas dans tout et les prières que tu as le droit de te tenir debout ou t'appuyer sur des bâtons et des cannes ou t'adosser à un mur. Mais dans les prières qui sont surérogatoires, comme on a pu le voir. Et comme on a pu le voir au Zekadar, le jugement de la prière de celui qui prie une prière obligatoire en s'appuyant sur une canne, un bâton et autres, tout en ayant la capacité de pouvoir s'asseoir et la khairihi, comme l'a évoqué le professeur Salam, il a dit sa prière, comme on a pu le voir, elle n'est pas annulée, mais il a délaissé là une recommandation du professeur Salam. Il a une conduite qui est détestable. قال رحمه الله تعالى الجمع بين القيام والقعود قال يعني ما سيكو الجمع كان الجمع de prier dans une même raka debout et assis debout et assis ou bien de prier dans une unité de prière debout et dans la deuxième de prier assis quel est le jugement de faire cela Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى il va nous l'expliquer il dit ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر. Il nous dit qu'il a tout à fait la capacité, al-musalli, celui qui prie, dans ses prières de nuit, de prier debout ou assis, sans qu'il ait pour cela une excuse, je n'y vais pas, comme on a pu voir avec le hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, man salla qa'ima fa huwa afdal. Celui qui prie debout, c'est mieux pour lui. Wa man salla qa'idan fa lahu nisfu ajri al-qa'im. Et celui qui prie assis, yani dans la prière obligatoire, il aura la moitié de la récompense de celui qui se sera tenu debout. Wa man salla ala janbin aw man salla muttaji'an fa lahu an'am nisfu ajri al-qa'id. C'est-à-dire un quart de la récompense de celui qui prie allongé aura un quart de la récompense de celui qui aura prié debout. Donc ceci nous prouve qu'il est possible de prier debout dans les prières, ou yani assis dans les prières qui sont surérogatoires. Yani qiyam al-layl. Wa thabata dhalika an Aisha. La preuve en est, par hadith Aisha, comme on a pu le voir, na'am, qalat, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'iman wa ukhra qa'idan. Muttafaqun alayhi, yani Aisha radiyallahu ta'ala anha. Dans ce hadith, nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, dans ses prières de nuit, de prier assis, ou debout de prier assis, ou debout. Donc ceci nous prouve qu'il est légiféré de faire ça sans excuse. Sans excuse valable, il est tout à fait possible de prier debout ou assis. قال رحمه الله تعالى وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليهم الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. Donc il dit dans ce long paragraphe que Al-Musalli, dans les prières de nuit, il a la capacité de prier debout et de prier kadhalik assis. Comment il fait pour cela? Comme nous explique Cheikh Al-Albani, il nous dit, fayusalli wa yaqra jalisan. Il prie et lit tout en étant assis. Wa qubayl al-rukur yaqum. Et un petit peu avant al-rukur, il se lève. Fayaqra ma baqiya alayhim al-ayat qa'ima. Il complète la lecture qu'il avait commencé assis en étant debout. En étant debout. Thumma yarka wa yasjud. Puis ensuite, il fait le record et il fait sujoud. Thumma yasna mitla dhalika fi rak'ati thaniya. Et il fait la même chose dans la rak'a, dans la deuxième unité de prière. Et cette kayfiyya, cette manière de prier, elle a été rapportée par Aisha radiyallahu ta'ala anha, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli jalisan ay fi qiyam al-layl, fa yaqra wa huwa jalisun, fa idha baqiya min qira'atihi nahwu من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد ويفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك متفق عليه. Donc le hadith il est conforme au paragraphe qui nous a été évoqué par Cheikh Al-Albani, sauf qu'il n'a pas évoqué la sunna qui est le Nabi sallam lorsqu'il restait yani une trentaine ou une quarantaine de versets à lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se levait après s'être assis et avoir lu une bonne partie du Coran, lorsqu'il restait une trentaine ou une quarantaine de versets, c'est à ce moment-là qu'il se levait pour compléter la lecture de ce qu'il avait lu assis. Ensuite, il fait le repos, ensuite il fait sujoud et l'akhir. قال رحمه الله تعالى وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها. Il nous dit, et lorsqu'un musulman veut prier, lorsqu'il veut prier assis, il lui est bon qu'il prie yani de manière yani mutarabbi'an yani en tailleur, si l'expression est bonne, c'est-à-dire en croisant les jambes, en étant assis. Yani l'assise qui est un peu connue yani chez at-tullab al-'ilm lorsqu'il s'assoit dans halaqat dhikr, c'est-à-dire en tailleur, je crois que c'est l'expression qui est donnée pour cela, c'est-à-dire en croisant les jambes. Il nous dit aw ayy jilsatin ukhra yastarih biha. Yani lui est tout à fait possible lorsqu'il prie assis de s'asseoir de la façon par laquelle il va trouver l'aisance pour pouvoir prier. Pour pouvoir prier. Quant au fait qu'il soit préférable, lorsque la personne prie assise, de s'asseoir en tailleur, c'est-à-dire en tarabbi'an, il n'y a aucun dalil qui prouve cela. Certes, un hadith qui a été évoqué à ce sujet-là, selon Aïcha, radiallahu ta'ala anha, annaha qalat kana nabi sallam yusalli mutarabbihan. Ce hadith-là, il est authentique, dans lequel il est dit, le prophète sallam priait ses sœurs aléatoires, assis, yani en tailleur. Ce hadith, il est qualifié de faible par Cheikh Mourbel, rahimahullah ta'ala. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune preuve spécifiant la manière de s'asseoir, donc il est possible, alors il y en a qu'on emprunte pour cela n'importe quelle manière de s'asseoir, tant qu'elle est considérée comme une assise. Ça, c'est un point qui est important d'être ajouté. À partir du moment que cette assise-là elle est considérée comme une assise, tu as tout à fait le droit de t'asseoir de la sorte dans ta prière. Dans ta prière. Car le Messie a dit فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. Tamam. Celui qui n'a pas la capacité de prier debout, il s'assoit. On ne nous a pas dit comment. Donc, à partir du moment que ce que tu fais est nommé une assise, khala, ça rentre dans le hadith, donc tu as la capacité de faire ça. Mais certains ulama, ils voient qu'il est bon de faire ça, car il a été authentifié de Omar, ainsi que Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, qu'ils avaient prié. Il y a leur prière sur l'oratoire, elle est de manière en tailleur. De manière en tailleur. Et tous ces affaires-là, que ce soit d'Ibn Umar ou de Umar, d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Abbas, ils sont tous authentifiés, ils sont tous authentiques, comme l'a évoqué Cheikhana Muhammad ibn Hizam, hafadahullahu ta'ala. Donc celui qui préfère, lorsqu'il est assis, de prier de cette sorte-là, il a certes pour cela un bon exemple à suivre, et il y en a à travers les salafs. يعني على travers ces trois sahabi al-ajil ibn Umar ibn Mas'ud wa barakallahu fikum ibn Abbas radi Allah ta'ala anhum. Donc yani celui qui veut faire ça la bas bihi car il a certes yani il a pour exemple pour cela pour l'année des salaf. Mais ce qu'on peut dire de cela, c'est une sunna? Non, c'est pas une sunna, mais il est bien de le faire car les sahaba ils l'ont fait. Donc le fait de prier yani en tailleur, c'est une chose yani qui est bien. قال رحمه الله تعالى الصلاة في النعال يعني le fait de prier avec les sandales. Quel est le jugement de cela? قال رحمه الله تعالى ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا. Il dit il est possible à celui qui prie lorsqu'il se tient debout d'être pieds nus ou bien de porter des sandales. Ces deux manières de prier lui sont légiférées. L'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit qu'il n'y a aucune divergence auprès des savants sur le fait qu'il est légiféré de prier avec les ni'al, c'est-à-dire avec les sandales. La preuve en est par le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala naham kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli munta'ilan muttafaqun alayhi. Lorsque Ibn Anas ibn Malik il a été questionné au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il avait pour habitude de prier avec des sandales? Il lui a répondu naam. Et ce hadith est muttafaqun alayhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait pour habitude de prier avec ses claquettes. Qala al-imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il nous dit ce hadith il est précédemment cité, nous prouve que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de prier avec ses claquettes, avec ses sandales, et non pieds nus. Et il dit, rahimahullah ta'ala, la parole de la majorité des salafs converge, elle est toute, vers le fait qu'il est préférable de prier avec les sandales que pieds nus. Il est préférable, inda salaf, de prier avec des sandales que pieds nus. Et il dit, Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, a réprimandé Abu Musa al-Ash'ari d'avoir retiré un jour ses sandales pour prier, en lui disant, anta bil wadi al-muqaddas tuwa. Es-tu dans la vallée sacrée? Ami fait dans ce affaire, ami allusion au hadith, ou plutôt à l'ayah, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il l'appela Moussa pour lui donner la révélation, il lui dit Fakhla'na alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa. Ôte tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée qui se nomme Tuwa. Il a voulu faire allusion à cela, Ibn Mas'ud, lorsqu'il a réprimandé Abu Moussa. Il a dit, pourquoi enlèves-tu tes claquettes? Est-ce que tu es rentré dans l'endroit sacré qui est toi pour que tu puisses enlever tes sandales? En gros, il voulait dire par là, n'enlève pas tes sandales. N'enlève pas tes sandales. Prie avec tes sandales. Mimbab al-Faïda, quant à la raison pour laquelle, yani, dans le verset, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Moussa d'enlever ses sandales, il a été évoqué beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, comme on a dit, l'imam Sa'di, ils n'ont aucune preuve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne des choses unies avec hikmah. Donc revenons au sujet, que comme on a pu le voir, les salafs, ou la majorité des salafs, leurs paroles toutes, il y en a toutes, leurs paroles, elles convergèrent vers le fait qu'il est préférable de prier avec les sandales que prier pieds nus. Quant à la preuve qui appuie la position, hadith, Shaddad ibn Aws, عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وصححه الشيخ المقبل رحمة الله عليه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. Donc ce hadith authentifié par الشيخ المقبل رحمه الله تعالى rapporté par أبو داود selon Shaddad ibn Aws رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم nous ordonne et nous dit différenciez-vous des juifs. Priez avec vos sandales, car les juifs ne prient ni avec leurs sandales, ni avec leurs khifaf, ni leurs, si on peut appeler ça les petites pantoufles, les ma'ruf, le khifaf, les bottines, je ne sais pas comment ils appellent ça, n'auraient été les hadiths prouvant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Abu Huraira, a prié pieds nus, comme ils ont dit les ulama, la prière avec les sandales aurait été obligatoire pour tous. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit différenciez-vous. Différenciez-vous des Yahoud, des maudits, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se différencier de ces personnes-là, c'est une obligation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit : celui qui s'identifie à un peuple, il est semblable à ce peuple-là. Mais, na'am, donc on peut en déduire de ce hadith : khaliful Yahoud, fainahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Différenciez-vous des Yahoud car ils ne prient ni avec leurs sandales ni avec leurs khifaf. On peut en déduire que dans ce hadith, que le jugement quant au fait de se différencier des juifs, des koufars et autres, de cette espèce, peut varier entre l'obligation et le fait qu'il soit préférable de se différencier de ces personnes-là. En gros, c'est pas toute chose dans lesquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit de se différencier des koufars, qui est une obligation. Elle astophie, c'est l'obligation. La base, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande de se différencier des koufars, à la base, c'est que c'est une obligation. Car, comme l'a dit le Prophète, celui qui s'identifie à un peuple, il est semblable à ce peuple. Mais ce hadith-là nous prouve que cette qa'ida, cette règle qui est générale, ou cette règle qui a été évoquée, celui qui, lorsqu'il nous est évoqué de se différencier des juifs ou autres et des profards, que c'est une obligation, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une règle qui est générale. Il peut y avoir des exceptions, comme c'est le cas, avec le fait de prier avec Nira, avec les sandales, ou bien avec les khifaf. Car, le simple fait que tu ne pries pas avec les sandales ou bien avec tes khifaf, ça ne fait pas de toi que tu as commis un péché. Ça ne fait pas de toi que tu as commis un péché, mais certes que tu t'es identifié au al-Yahoud. Eux, ils avaient pour habitude de faire cela. Ils avaient pour habitude de faire cela, mais c'est tout à fait jaïs. Ceux qui veulent, ils prient avec un pied nu ou bien ils prient avec ses sandales. Mais il est préférable. Et ce hadith-là, il nous prouve qu'il est préférable. Parce que le fait qu'il nous exhorte, il nous recommande de se différencier aux Yahoud, ceux qui ne priaient pas avec leurs sandales, ça nous prouve qu'il est préférable de faire cela et non pas de prier pieds nus, malgré que tu peux prier naham pieds nus. Et min bab al-nasiha, li'anna al-din al-nasiha, on exhorte fortement nos frères et sœurs à s'évertuer, à faire renaître cette sunna qui est de naham, qui est délaissée par un grand nombre de musulmans, même si on n'a pas la capacité de le faire dans les mosquées, car les gens, ils n'ont pas assez la compréhension pour pouvoir œuvrer de cette sunna. C'est pas pour ça qu'on peut délaisser cette chose-là, totalement. La personne, elle peut prier chez elle en mettant ses claquettes, et après chez elle. En faisant ça, elle a certes, revivifié une sunna qui est, dans notre époque, quasiment morte. Quant aux arguments pris par certains ulama de notre époque, rahimahumullah ta'ala wa hafidha al-ahya, dans lequel ils voient qu'il n'est pas possible à notre époque de pouvoir appliquer cette sunna qui est de prier en sandales dans les mosquées. Car ils disent les tapis, ils sont de grande valeur. Les tapis, ceci, cela, ça va salir les tapis et là. Ces arguments, n'empêchent rien que tu puisses appliquer cette sunna. Car la baraka, la bénédiction, elle est dans le suivi de la sunna et du fait de se différencier des koufars, et même si cela aboutit à ce que tu piétines les tapis, peut-être d'une grande valeur. Et il n'est pas conditionné dans les mosquées de mettre des tapis de grande valeur. Ça suffit de mettre un tapis d'un prix raisonnable pour pouvoir, pour cela, inch'Allah, appliquer cette sunnah. Amma le fait de mettre une grosse valeur dans des tapis pour ensuite t'empêcher d'appliquer une sunnah, ça c'est khilaf al-awla, c'est mieux de ne pas faire ça. C'est mieux de ne pas faire ça parce que ça t'empêche de faire une sunnah, et même mieux pour cela, il est de différencier des kuffars, des yahoud, ceux qui n'avaient pas l'habitude ou ceux qui ne priaient pas avec leurs sandales. Ceux qui ne priaient pas avec leurs sandales. Cet appui-là, il ne valait rien en face de la sunnah. Comment préférer ou bien comment faire précéder cet appui, même s'ils ont une grande valeur à la sunnah, qui n'a pas de valeur auprès dans le cœur de salafiyoun, yani khasatan, il est musulmane, ammatan, yani. Il est préférable, de prix, comme on a dit, d'acheter des tapis avec une somme raisonnable pour pouvoir, inshallah, par la suite, appliquer une sunnah. Puis ajouter à cela, yani, un contre-argument à l'argument qui a été dit, il y en a de ces gens-là qui disent que c'est un tapis d'une grande valeur, donc on ne peut pas piétiner un tapis d'une grande valeur, ceci, cela. Ajoute à cela, il y en a qu'il est tout à fait possible. Même si jamais le tapis est de grande valeur, il est tout à fait possible, à notre époque, de prier, même sur ces tapis-là, avec nos sandales. Tout comme c'est le cas des grandes, des grosses entreprises, il y en a que peut-être il y a certaines personnes ont pu voir, comme moi ça a été mon cas. Il y en a certaines entreprises, il y en a, si je me souviens sont bons, SFR ou autres, ils ont des tapis de sol. Et des tapis qui sont d'une valeur qui est là, basse pétine. Et malgré cela, les employés, les autres, les livreurs, ils rentrent sans se soucier de ce qui est en dessous de leur chaussure. Ils piétinent le tapis, même si jamais, peut-être, auparavant, son pied, il a traîné peut-être dans un crottin de chien, il a rêvé. Ils rentrent dans ces sociétés-là sans se préoccuper. Aslan, si jamais sa sandale, elle est propre. Ils rentrent et ils marchent sur le tapis. Donc ceci nous prouve que si jamais ces entreprises qui ont été bâties pour la dunya, pour fructifier leur avenir, et c'est tout à fait possible. Allez, qu'est-ce qu'il en est alors de nos mosquées? Qu'est-ce qu'il en est de nos mosquées? C'est tout à fait impossible. Donc cet argument-là, il n'est vraiment pas. C'est vraiment un point de vue, c'est vraiment des idéologies qui viennent nous empêcher d'appliquer une sunnah. Fais-nous Allah subhanahu wa ta'ala, an yahdiyana wa yahdiyahum jami'an, wa yashrah qulub al-ibad litatbiq as-sunan, litatbiq as-sunan wa li-ihya'iha, afin de faire revivre le sunnah. Ou un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a certes yanné. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة تمام يعني بفكر كيف أستغذيف إن سنة كما يقول المنسية يعني تسرع ريكمبنسي وتسرع ريكمبنس jusqu'au jour dernier de ceux qui يعني par son biais ont appliqué cette sunnah. Donc يعني regardez le khair qui sont en train de prévoir musulmans avec des arguments qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala an yashrah qulub al-ibad et tabdiq as-sunnah wa yahya'iha. Qala rahimahullahu ta'ala wa al-afdal an yusalli taratan hakadha wa taratan hakadha. Il nous dit le mieux c'est que de temps en temps il prie pieds nus et de temps en temps il prie avec ses sandales. Donc comme on a pu le voir en vérité, le mieux c'est que comme à travers la parole d'Ibn Rajab, le mieux c'est que tu pries le plus souvent avec tes sandales. Le plus souvent avec tes sandales. قال حسب ما تيسر له يعني selon ses capacités. فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما. Il nous dit il faut pas qu'il se complique la vie si jamais il est pieds nus à vouloir se chausser ou si jamais il est pieds nus ou avec ses sandales à les enlever. Il prie comme il est. Mais comme on a pu le voir, barakallahu fikum wa nafa'a Allahu bina wa bikum, que le mieux c'est de prier avec quoi? Avec ses sandales. Qala bal in kana hafiyan salla hafiyan wa in kana munta'ilan salla munta'ilan illa li amrin 'arid. Et nous dire en gros, si jamais les pieds nus, prie pieds nus, s'il est avec ses sandales, il prie avec ses sandales, à exception si jamais il a vraiment besoin de porter ses sandales, parce que مثلا يعني comme c'est le cas Mecca مثلا يعني en été le carrelage ou le marbre il est vraiment chaud, mais la personne qui prie pieds nus, c'est dur pour lui de rester sur le marbre, surtout au deuxième étage à l'époque. C'est dur de rester pieds nus sur le marbre, il y en a qui est vraiment chaud. Donc dans ce cas-là, si jamais vraiment ça l'empêche d'avoir une humilité dans la salle, il est préférable pour lui, il est mieux même qu'un hatta qui porte ces sandales-là dans ce cas-là. Il y en a lorsqu'il a besoin vraiment de porter les sandales qu'il les porte. Il y en a pour une excuse. قال رحمه الله تعالى وإذا نزعها أو إذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره. Il nous dit, et lorsqu'il se déchausse de ses sandales, qu'il ne les mette pas sur sa droite, qu'il ne met pas sur sa droite, mais il le met sur sa gauche. Ça, c'est mutlaqan, de manière générale. De manière générale, Abadan, il met ses sandales sur sa droite. Qala wa an, qala innama an yasarihi, mais il le met plutôt sur sa gauche. Il le met plutôt sur sa gauche. Idha lam yakun an yasarihi ahadun yusalli. Il a droit de le mettre à sa gauche, à partir du moment qu'il n'y a personne, yani, qui est à sa gauche, yani, parce que cela la nuit. Qala wa illa wada'ahuma bayna rijlayhi. Et il nous dit, si jamais il a quelqu'un sur sa gauche, et donc, dans ce cas-là, s'il veut prier pieds nus, il a ses sandales avec lui, il met ses sandales entre ses pieds. Qala wa bidhalika sahha al-amru 'anil nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il nous dit, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, c'est-à-dire de ne pas mettre les sandales à droite, et le mettre à gauche s'il n'y a personne à ta gauche, ou bien le mettre entre tes jambes s'il y a quelqu'un sur entre tes jambes s'il y a quelqu'un sur ta gauche, s'il y a quelqu'un sur ta gauche. Il fait allusion pour cela à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de hadith Abdullah ibn Sa'id, dans lequel il nous dit Ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli yawm al-fath wa wada'a na'alayhi 'an yasarihi. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Sheikh Muqbil. Il nous dit ce as-sahabi qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour yawm al-fath, le jour de l'ouverture, prier en posant ses claquettes sur sa gauche, en posant ses claquettes sur sa gauche. Donc ceci nous prouve qu'il est légiféré de faire cela, et comme l'a dit Cheikh, à partir du moment où il n'y a personne à ta gauche. Et quant à la preuve qui nous prouve, ou qui nous recommande de ne pas faire cela si jamais on a quelqu'un sur notre gauche, c'est-à-dire mettre les claquettes, les sandales sur notre gauche, Hadith Abu Huraira, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا وَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّي فِيهِمَا. Si jamais la personne prie et qui souhaite se déchausser, qu'il ne nuise personne pour cela. C'est-à-dire, il nous dit, فَلْيَخْلَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ, c'est-à-dire qu'il le mette entre ses deux pieds, ou sinon, si il veut, il le prie avec. C'est-à-dire, si jamais il y a quelqu'un à sa gauche, soit il les met entre ses pieds, ou soit il prie avec les claquettes. Mais donc, quelqu'un les laisse à sa gauche, car cela nuit, comme l'a dit le Prophète, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِي أَحَدًا بِهِمَا. Yani, qu'il ne nuise personne avec ses claquettes lorsqu'il se trouve à sa gauche. Donc ceci nous prouve, yani, le texte où yani appui, que où nous prouve la véracité du texte yani, qui a été évoqué par Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire que la personne ne prie pas en mettant sa claquette à droite, car le professeur ne l'a jamais fait, mais s'il est tout seul ou s'il a personne à sa gauche, qu'il le mette à sa gauche, et s'il n'a pas la capacité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à sa gauche, il le met entre ses pieds ou bien il prie avec. Cela est bien préférable pour lui. قال رحمه الله تعالى الصلاة على المنبر يعني ما حكم الصلاة على المنبر. قال وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر. Il nous dit, il est tout à fait possible aux personnes telles que les imams de prier sur un endroit qui est élevé, يعني comme c'est le cas des منبر المنابر يعني les chairs. Et cela dans le but unique d'instruire les gens afin qu'ils sachent comment prier. Et leur montrer la description de la prière. Tu peux soit la faire comme c'est le cas avec nous, ou bien c'est-à-dire oralement, ou bien la faire avec les gestuels de la prière, c'est-à-dire en te mettant sur un minbar comme l'a fait Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, quant à la description de la prière sur le minbar, il fait le takbir. Il lit et il fait le recours tout en étant sur le minbar. قال ثم ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر. Ensuite, lorsqu'il veut se prosterner, il descend et fait le sujoud sur la première marche du minbar. ثم يعود إليه. Après qu'il ait fini le sujoud, il remonte sur le minbar. C'est-à-dire en faisant comme il a fait au début, c'est-à-dire il كبر يقرأ ويركع عليه. قال فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. Il dit, fait la même dans la deuxième unité de prière. Il fait la même chose qu'il a fait dans la première unité de prière. Et le hadith qui nous prouve cela, ce qui a été rapporté par Bukhari un musulman, dans lequel قال أو قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على المنبر في الروايتين أنه ذو ثلاثين درجات. النبي صلى الله عليه وسلم, une fois il a prié sur le minbar, et dans une version il nous dit que ce minbar il avait quoi? Il avait trois marches. Donc ce minbar-là, il était de trois marches. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit هذا هو السنة في المنبر. يعني la sunna dans le minbar et dans la chair, c'est qu'il soit de trois marches. قال لا أكثر من ذلك. Et il n'est pas légiféré que le minbar il ait plus de trois marches. Il nous dit ceci est une bid'a. قال الزيادة عليها بدعة أموية. Le fait de faire ça, c'est une bid'a. قال والمحراب بدعة أخرى. كذلك المحراب, يعني les coins qui sont le creux qui est mis en avant de la mosquée. Il dit كذلك, ça c'est une bid'a. C'est une chose qui est innovée et qui n'a pas lieu dans l'islam. قال كذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشفرة. يعني certaines personnes, il dit ça fait partie aussi كذلك de la bid'a. Tu vois dans certaines mosquées que le mihrab il est élevé d'une manière, on aurait dit c'est même plus un mihrab, mais c'est plutôt une tribune, comme c'est le cas dans les pièces de théâtre. Une personne peut dire comment peut-on juger que le mihrab c'est une bid'a? Allah Ta'ala dans le Coran il est dit وهو قائم يصلي في المحراب. يعني en parlant de Nabi Allah Zakaria, وهو صلي في المحراب, alors qu'il priait dans le mihrab. الشيخ يحيى حفظه الله تعالى il nous dit المحراب qui est voulu dans l'aya, يعني que ce soit dans surat Al-Imran ou bien dans surat Naham, dans surat Maryam, c'est pas le même sens qui est voulu des mihrab qui est présent dans certaines des mosquées ou bien dans beaucoup de mosquées qui sont en France ou autres. Ça n'a rien à voir. Est-ce que le mihrab, yani dans l'arabe, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, c'est-à-dire qu'il était debout dans son lieu de prière, et non pas l'endroit qui est pris comme la bid'a qui est faite dans les mosquées. Tamam. Cheikh Yahya habibahullah ta'ala nous dit, laissons supposer que le mihrab dans l'ayah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, c'est le même mihrab qui est pris comme bid'a dans les mosquées actuellement. Il nous dit, tu ne peux pas prendre la guidée de Zakaria et la faire posséder à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure guidée, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa venue, il a aboli toutes les autres législations. C'est-à-dire que celui qui n'a pas musulman maintenant ne peut être que musulman par la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pris na'am, c'est maharib. Dans les mosquées, كذلك الصحابة, ils n'ont pas fait ces choses-là. Donc ça nous montre que ces choses-là sont une bid'a. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. يعني délaissez les choses telles que je vous les ai laissées. يعني restez sur la guidée telle que je vous ai laissée. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il avait tout à fait la capacité. كذلك الصحابة il avait tout à fait la capacité à leur époque de construire ou bien de faire des mihrab, il y en a tels des mihrab qui sont présents à nos jours, mais ce n'est pas pour autant qu'ils l'ont fait. Donc ceci nous prouve que c'est une bid'a. Ceci nous prouve que le fait de faire ça, c'est une bid'a. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il vous reste combien de temps dans l'Aïcha? 15 minutes. Khalas, inshallah. Donc au fil du hadith qui a été évoqué par rapport au minbar, parce que le Cheikh Al-Albani nous a évoqué le sens du hadith sans évoquer ce qu'il a rapporté. Donc comme je disais, يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر في رواية أنه ذو ثلاث درجات. قال فقام عليه فكبر وكبر الناس ورأه وهو على المنبر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est tenu debout sur le minbar, il a fait takbir et les gens derrière lui ils ont fait takbir. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر من بعد قال ثم ركع وهو عليه ثم رفع فنزل القحقرة حتى سجد في أصل المنبر. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le recours tout en étant sur le minbar, puis lorsqu'il est revenu du recours il est descendu de manière القحقرة, c'est-à-dire en marche arrière, sans se retourner, car comme on a pu le voir, le fait que ton corps et ton visage restent en direction de la qibla, c'est une condition, c'est-à-dire que la personne, si elle descend, elle veut suivre le prophète sallam dans le fait d'inscrire les gens à la salat de cette manière-là, si elle descend, c'est-à-dire après qu'elle s'est levée du rukou', elle ne se tourne pas pour descendre du minbar, c'est-à-dire elle reste, son corps il reste en direction de la qibla et lui il descend à reculons pour pouvoir, comme ça va venir, pouvoir se prosterner sur la première marche du minbar. قَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَحْقَرَ حتى سجد في أصل المنبر. Ensuite, lorsqu'il s'est relevé pour le rukou', il s'est reculé jusqu'à ce qu'il a pu descendre du minbar pour pouvoir faire le sujoud, se prosterner sur la marche, la première marche du minbar. Ensuite, il a fait la même chose qu'il a fait, il a fait la même chose dans la deuxième unité de prière, comme c'est le cas dans la première unité. Lorsqu'il a fini sa prière, il s'est dirigé vers les gens et il a dit, Ya Yuhannas, inni salatu hadha li ta'tammu bi, je n'ai fait cela que dans l'optique que vous me suivez dans ma prière et que vous apprenez comment faire la prière. On se contente de ceci. Est-ce qu'il y a des questions ou il y a besoin d'être clair par rapport à certains points? On se contente de cela. Il se prosterne sur la première marche. Non, il se prosterne sur la première marche. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith, il se prosterne sur la première marche du minbar. L'asl du minbar, c'est-à-dire la première marche. Comme cela a été évoqué dans le hadith. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.